Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'histoire de sa dissémination dans le monde, s'interroge le professeur Arnaud Fontanet. Comment les moustiques Aedes sont-ils responsables non seulement de la transmission des virus de la fièvre jaune, de la dengue, du chikungunya, mais également du virus Zika. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet est titulaire de la chaire annuelle Santé publique au Collège de France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Nous vous proposons de retrouver la suite de la série du professeur Fontanet consacrée à l'étude des pandémies. Après celle du SRAS et celle de l'hépatite C en Égypte dans les cours précédents, il consacre une vaste étude à la crise sanitaire liée au virus Zika. Dans la présentation de sa leçon inaugurale, il rappelle, et je le cite, « Grippe aviaire, maladie de la vache folle, SRAS, chikungunya, Ebola, Zika, autant de crises sanitaires provoquées par des agents infectieux dits émergents, menaçant l'ensemble de la planète. » Liés pour la plupart à des virus venus du monde animal, ces nouvelles maladies se propagent en quelques semaines dans un monde densément peuplé et de plus en plus mobile. Cette très grande connectivité, qui est notre vulnérabilité, est aussi notre force. Une fois l'alerte lancée, nous sommes capables d'intervenir rapidement sur place de façon concertée et de partager informations, échantillons et données. Alors comment les scientifiques ont-ils collaboré pour démontrer le lien qui existe entre le virus Zika et les complications nouvellement décrites lors des épidémies récentes, notamment en Polynésie française et au Brésil? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 mars 2019 pour le cours d'Arnaud Fontanet intitulé « Zika, le pacte du moustique et du virus ». Bien, bonjour. Donc, nous allons parler aujourd'hui du virus Zika. C'est une épidémie intéressante, hein, récente, comme vous le savez, parce que d'une part, elle va nous permettre d'aborder les maladies à transmission vectorielle, comme par exemple pour le vecteur concerné ici, Aedes aegypti, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et donc le virus Zika. Et d'autre part, parce que les circonstances qui font que ce virus, je vais utiliser un terme impropre, est devenu un peu fou dans les années 2000, et a quitté sa zone d'endémie, hein, qui était l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, pour partir dans les îles du Pacifique et après gagner l'Amérique latine et être responsable d'épidémies que vous avez vues avec les conséquences graves qu'il y a pu y avoir, notamment chez les enfants nés de mères infectées pendant la grossesse. Ces circonstances sont encore mal comprises. Je vais évoquer avec vous quelques scénarios, et c'est intéressant parce que ça nous préfigure peut-être d'autres épidémies du même type pour lesquels un tel phénomène se reproduirait. Mais pour commencer, on va partir quelques années en arrière, 1947. On est en Ouganda, dans une forêt qui s'appelle la forêt Zika, et c'est de là évidemment que vient le nom de la maladie, où des chercheurs de l'université Rockefeller étudiaient le cycle du virus de la fièvre jaune qui circulait entre des singes rhesus macaques, comme celui que vous voyez ici, et des moustiques de la famille des Aedes. Et pour étudier ce cycle de la fièvre jaune, eh bien, en fait, les singes étaient postés sur des plateformes comme celles que vous voyez ici, dans des cages, en hauteur, à la cime des arbres, et puis attendaient d'être piqués par des moustiques. Et quand ils avaient la fièvre, eh bien, ces singes étaient ramenés en TB, on leur prenait du sang, et on regardait, isolait le virus de la fièvre jaune, et ça permettait à contribuer un peu à des calculs d'incidence et d'estimation du cycle entre le moustique, donc Aedes, et ses singes rhesus macaques. Mais voilà que le 18 avril 1947, un de ces singes qui a gardé le numéro 766, que vous reverrez d'ailleurs parce que la souche qui a été isolée ce jour-là est encore utilisée dans les expérimentations, eh bien, il fait de la fièvre, il en fait pendant 2-3 jours, on le ramène à Entebbe, on prend son sang, on l'inocule dans le cerveau de souris, Et quelques jours plus tard, ce n'est pas le virus de la fièvre jaune qui a été mis en évidence, mais un autre agent filtrable, transmissible, qui était le virus Zika. On doit cette découverte à Georges Dick avec Alexandre Hadot, que vous voyez ici. Et un an plus tard, toujours dans cette même forêt Zika, les mêmes équipes continuent de travailler sur ce qu'ils pensent être le cycle de la fièvre jaune. Et cette fois-ci, c'est aux moustiques qui s'en prennent. Ils recueillent des moustiques Aedes, Aedes africanus. Ils en prennent plusieurs dizaines. Ils les ramènent au laboratoire, ils les broient, ils inoculent ce broyat dans le cerveau de souris. Et quelques jours plus tard, ils isolent, cette fois-ci encore, le virus Zika. Donc la boucle est bouclée. Ils ont démontré par ces deux expérimentations qu'il y avait un nouveau virus qu'on appelle Zika qui circulait entre les primates, ici des macaques, et des moustiques de l'espèce Aedes africanus. On est en forêt. Et comme la dengue, par exemple, ou la fièvre jaune, vous avez ces cycles connus forestiers, sylvatiques, entre des virus qui circulent, des moustiques aux primates. William Bercroft, il apparaît ici sur cette diapositive parce qu'il a joué un rôle assez inattendu dans toute l'accumulation de savoir sur le virus Zika. Il s'est demandé, est-ce que ce virus est pathogène pour l'homme ? Et pour répondre à cette question, il a pris du broyat de cerveau de souris inoculé avec le virus Zika et il se l'est inoculé dans l'avant-bras. Ce sont des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui, je tiens à le préciser, ni nous, ni nos étudiants, c'est pas recommandé. Et il attend quelques jours. Et au bout de quelques jours, il a effectivement un peu de fièvre, il a un petit peu mal à la tête, rien de plus. Bon, il a eu de la chance, c'était le virus Zika. Même expérience avec d'autres pathogènes aurait pu s'avérer beaucoup plus délétère, comme vous pouvez l'imaginer. Il a continué d'ailleurs, je pense que son amour pour la science n'avait pas de limite. Il a pris des boîtes qui contiennent des moustiques Aedes avec une fine membrane, il se les a appliquées sur l'avant-bras. Et puis, il a nourri comme ça sur son avant-bras ces moustiques Aedes pour voir s'ils allaient aspirer le virus Zika. Et après, il a exposé des souris à ces moustiques Aedes engorgés, mais là, il ne s'est rien passé. Son expérience n'a pas été concluante. Mais voilà, donc ça fait partie de ces... chercheurs un peu insolites qui ont voulu faire avancer la science. En fait, on a eu la mise en évidence d'effets cliniques du virus Zika plus tard. Il y a eu une épidémie au Nigeria en 1954, si je me souviens bien, McNamara, qui, chez des patients ictériques, prétendait que la cause de cette ictère pouvait être le virus Zika. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est très peu vraisemblable, hein, puisque l'ictère, la jaunisse, ne se rencontre pas communément avec le virus Zika. En revanche, il y a eu des chercheurs, d'ailleurs, qui étaient exposés dans les forêts et qui travaillaient sur Zika, qui eux-mêmes ont rapporté des histoires cliniques tout à fait évocatrices et qui, eux, étaient probablement les premiers patients reconnus virus Zika, mais à chaque fois avec des infections tout à fait bénignes. Donc, ce qui avait été mis en évidence dans cette première série d'expériences, c'était ce qu'on appelle le cycle sylvatique entre des primates non humains et puis des moustiques en forêt Aedes africanus en majorité. Un cycle qui, comme je vous le disais, est connu pour d'autres virus similaires, type dengue ou fièvre jaune. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un être humain qui va aller dans ces forêts, être au contact de ce cycle sylvatique, va éventuellement être piqué par ces moustiques et revenir en zone urbaine ou semi-urbaine. Et là, s'il est exposé à d'autres moustiques qui, eux, vivent en zone urbaine, et on pense évidemment à Aedes aegypti, hein, qui est le grand vecteur qui va être concerné par tout ce qu'on va raconter pendant ce cours, eh bien là, peuvent démarrer un cycle urbain qui s'auto-entraînera, hein, qui sera autosuffisant entre ces moustiques Aedes aegypti particulièrement et la population humaine. Et là, vous avez donc un deuxième cycle qui se constitue, mais cette fois-ci, à la place des primates, ce sont non-humains, ce sont des primates humains qui sont concernés. Et donc, vous avez une épidémie de Zika, on y reviendra bien évidemment. Mais voyez qu'il y a un lien entre le cycle sylvatique et le cycle urbain via des individus qui auraient été en contact des forêts et seraient revenus en ville. Alors, l'histoire de la dissémination du virus Zika, elle démarre, comme je vous l'avais dit, donc on était en Ouganda 1947 pour la première mise en évidence. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites dans des pays d'Afrique qui ont retrouvé alors soit la mise en évidence d'anticorps anti-Zika dans des populations, c'est ce que vous voyez ici, je pense que c'est du rouge qui apparaît là, je suis daltonien pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas aux sessions précédentes, mais enfin bref, vous aurez reconnu. Donc ça, c'est des mises en évidence des anticorps antivirus Zika, mais il faut savoir qu'on attache peu de foi à ces enquêtes parce qu'il y a beaucoup de réactions croisées avec d'autres anticorps ou d'autres virus qui peuvent être liés à des virus de la même famille. En revanche, quand vous avez ici ce qu'on appelle détection du virus chez des cas confirmés humains, là, c'est une mise en évidence du génome viral. Ça peut se faire par PCR, ça peut se faire chez des humains, ça peut aussi se faire chez des primates non humains ou des moustiques. Et il y a eu la mise en évidence de la circulation du virus Zika en Afrique à partir donc des années 50, une fois qu'il avait été identifié, de façon tout à fait claire sur plusieurs décennies. Dans les années 70, on a retrouvé la trace du virus Zika, cette fois-ci en Asie du Sud-Est, et vous avez plusieurs, ce qu'on appelle des case reports, hein, des cas qui sont rapportés dans la littérature, d'infections bénignes chez des humains qui sont liées au virus Zika. C'est en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. Donc voilà, ça, tout ça, ça dure, c'est les années 70, 80, 90. Mais on est face à quelque chose de tout à fait bénin et qui n'inquiète pas. C'est plutôt une curiosité exotique pour nous tous. Hein. Les choses changent un petit peu en 2007, où là, le virus va partir dans le Pacifique. Il va arriver sur une île de Micronésie, l'île de Yap. Et là, il y aura la première épidémie humaine conséquente, on y reviendra, où trois quarts de la population de cet archipel ont été infectés. Et où les premières manifestations cliniques peuvent être décrites sur des séries de patients assez conséquences. Et puis un peu plus tard, c'est 2013-2014, et l'arrivée du virus à Tahiti, en Polynésie française, et puis un peu plus tard, en Amérique latine, et là, la grande épidémie de 2015-2016, dont vous avez tous entendu parler. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la dissémination du virus Zika à travers le monde. Et cette dissémination, elle va suivre la répartition et la présence du moustique vecteur du virus Zika, qui est Aedes aegypti. Alors, je vous présente ici la distribution de Aedes aegypti en zone tropicale, et puis Aedes albopictus, qui est son cousin, qui lui vit plutôt en zone tempérée. Et Aedes albopictus, vous le connaissez sous le nom du moustique tigre. Hein. C'est celui qui est présent dans le sud de la France qui est donc actif en fin d'été, quand les densités de moustiques deviennent suffisantes. Mais aujourd'hui, le vecteur du virus Zika, c'est Aedes aegypti. Aedes albopictus n'a pas encore été pris la main dans le sac avec contenant du virus Zika lui-même, même si on soupçonne qu'il serait capable de le transmettre. Alors Aedes aegypti, c'est un moustique qui vit, comme je vous le disais, en ville, hein, qui est en fait devenu complètement anthropophile. C'est-à-dire que c'est un moustique qui ne se nourrit que sur l'homme. Du coup, il est allé là où l'homme habite. Et dans les zones tropicales, ce sont ces grandes zones urbaines et périurbaines. Il est plutôt dans les bidonvilles que dans les zones qui sont aménagées. Cela parce qu'il vit là où dont les larves se reproduisent, là où se retrouve de l'eau stagnante, qui est de l'eau propre. Hein. Lui, c'est un moustique propre, il vit dans... à la différence de Culex, qui est un autre moustique que vous verrez dans ces mêmes zones. Lui, il vit dans l'eau propre, il vit dans l'eau, par exemple, en Asie du Sud-Est, les grandes jarres qui sont mises à l'extérieur des maisons pour recueillir l'eau de pluie que vous allez boire ou que vous allez utiliser pour vous laver. Il peut vivre dans l'eau qui est contenue dans des boîtes de conserve qui seraient éparpillées à gauche, à droite, dans l'eau qui est dans les pneus. Les pneus sont très curieusement des réceptacles pour les larves qui fonctionnent extrêmement bien, ou ces petites coupelles que vous verrez sous les plantes. Et donc, tous ces endroits-là où vous avez de l'eau un peu stagnante permettent la reproduction des larves de Aedes aegypti. On est en zone urbaine et tropicale, et ce virus s'est parfaitement installé au cours des siècles passés. Il était originellement en Afrique, il est parti vers le sud de l'Amérique du Nord avec les bateaux d'esclaves au moment de la traite des esclaves, où dans ces bateaux, vous aviez à la fois la population humaine des esclaves, et vous aviez les grandes jarres d'eau qui étaient utilisées pour la traversée, et les larves de moustiques pouvaient être présentes dans ces jarres. Après, les moustiques pouvaient se nourrir sur les hommes et entretenir un cycle. Et au cours de la traversée, c'est ainsi que Aedes aegypti et vraisemblablement le virus de la fièvre jaune sont arrivés sur le sud de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Et donc, après, ce moustique a continué et s'est installé dans toutes les zones que vous voyez ici, tropicales, en zone urbaine. Alors, c'est un moustique assez agressif, hein, Aedes aegypti. Il va piquer le matin dans les premières heures de la journée et dans les dernières heures de la journée. C'est comme pour beaucoup de ces moustiques, les femelles qui piquent puisqu'elles ont besoin de sang pour l'ovulation. Et pour Aedes aegypti, elle va piquer plusieurs fois avant d'avoir un repas sanguin complet. Donc piqûre répétée égale opportunité supplémentaire pour des transmissions. Donc c'est vraiment un moustique qui est très efficace dans sa capacité à transmettre du fait de ses propriétés. Aedes albopictus, moustique tigre, comme je vous l'ai dit, ne sera que marginalement intéressé dans cet exposé, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore pu mettre en évidence le virus Zika au sein du moustique tigre. Donc Aedes aegypti, je vous le rappelle une fois de plus, mais c'est vraiment important, c'est le même moustique qui transmet la dengue, la fièvre jaune, chikungunya, donc qui est vraiment impliqué dans beaucoup de cycles d'infections virales extrêmement importantes. Alors, je vous mentionnais que la première épidémie au cours de laquelle on avait pu mettre en évidence des manifestations cliniques sur des grandes séries de patients pour le virus Zika avait eu lieu sur l'île de Yap en Micronésie. On est en 2007. Et là, sur quelques dizaines de patients, les cliniciens repèrent un certain nombre de symptômes. Le premier symptôme évocateur d'une infection par le virus Zika, c'est l'éruption cutanée. 90% des patients en sont atteints. C'est vraiment ce qui est le plus pathognomonique dans notre jargon médical ou spécifique du virus Zika. Vous trouvez de la fièvre chez deux tiers des patients, mais c'est une fièvre modérée. Vous trouvez aussi des douleurs articulaires et puis également une conjonctivite chez la moitié des patients qui doit vous alerter. Si vous prenez la dengue, chikungunya et Zika, vous avez à peu près les mêmes symptômes, à savoir éruption cutanée, fièvre et douleurs articulaires. Mais avec la dengue, c'est la fièvre qui est la plus importante et puis vous êtes extrêmement fatigué. C'est une infection qui vraiment va vous mettre sur les genoux. Le chikungunya, c'est les douleurs articulaires qui vont ressortir et qui pourront passer à la chronicité. Pour le virus Zika, c'est plutôt la présence de cette éruption cutanée et peut-être de conjonctivite qui doit vous alerter. Mais on est devant une infection bénigne qui est résolutive en quelques jours et qui, dans l'épidémie de Micronésie, n'avait posé absolument aucun problème. Alors, à la fin de cette épidémie, les chercheurs qui étaient présents ont fait une enquête transversale en population avec une recherche d'anticorps chez les habitants de cet archipel et se sont rendus compte que près des trois quarts des personnes avaient été infectées par le virus Zika. Donc on voit ce qu'on appelle un taux d'attaque à la proportion de personnes infectées au cours de l'épidémie absolument considérable puisque voilà, trois quarts des personnes vivant sur l'île de Yap avaient été infectées. Et par comparaison avec les données cliniques dont ils disposaient pour un certain nombre de patients, ils ont pu déduire que la très grande majorité, 80% des formes, étaient asymptomatiques. Des gens qui avaient été infectés sans présenter aucun symptôme. Aujourd'hui, on pense que ce taux est un peu élevé, à la lumière de ce qu'on a appris dans les épidémies suivantes. Mais voilà, c'est, rappelez-vous, message de épidémie sur l'île de Yap en Micronésie, une infection avant tout bénigne, résolutive en quelques jours. Dans la majorité des cas, même aucun symptôme. Et s'il y a des symptômes, vraiment très, très peu de choses. L'épidémie de Polynésie française va nous permettre, pour la première fois, de voir des complications graves associées au virus Zika. Elle débute en octobre 2013. Il y avait en Polynésie française un réseau de généralistes, une trentaine à peu près, qui déclarent chaque semaine les cas de fièvre au bureau de veille sanitaire, et ce, pour la surveillance avant tout de la dengue, qui est en Polynésie française la grande arbovirose, donc arthropod-borne viruses, virus transmis par des arthropodes, qui est la grande arbovirose présente dans ces contrées. Donc, ils voient en octobre 2013 le nombre de patients arrivés avec de la fièvre qui grimpe, comme vous le voyez ici, assez rapidement. Et ils pensent immédiatement à la dengue. Ils se disent, ça y est, une épidémie de dengue est en train de débuter. Et puis, ils testent pour la dengue et ils ne retrouvent rien. Alors, à l'Institut Louis Mallardé, qui est un laboratoire de virologie très performant à Tahiti, il connaissait bien sûr très bien la dengue, mais il connaissait aussi d'autres virus susceptibles de donner des manifestations cliniques similaires. Et ils pensent immédiatement au virus Zika, puisqu'ils étaient au courant de l'épidémie qui avait eu lieu quelques années plus tôt dans l'île de Yap. Donc ils testent pour le virus Zika, ils se rendent compte que les premiers cas sont positifs pour le virus Zika, on teste dans le sang avec une recherche donc, du génome viral circulant, et très vite, ils ont donc la confirmation que vous avez une épidémie de Zika qui est en cours en Polynésie française, et qui va donc se développer au cours de plusieurs semaines. Au début, les manifestations cliniques qui sont rencontrées sont tout à fait similaires à celles qui avaient été vues sur l'île de Yap, donc quelque chose de très bénin, peu d'inquiétude, un peu de fièvre, des éruptions cutanées, éventuellement des conjonctivites, mais tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Et puis, après quelques semaines, au centre hospitalier de Polynésie française, dans le service de neurologie, aux urgences et en réanimation, ils voient apparaître des patients qui présentent ce qu'on appelle des syndromes de Guillain-Barré. Alors ça, ce sont des paralysies périphériques qui débutent aux jambes et qui sont, on le dit, ascendantes. Vous êtes paralysé, au début, vous avez des sensations un peu bizarres, de picotements, brûlures sur le bout des jambes, et puis vous avez une paralysie qui s'installe progressivement et qui est ascendante. Et quand elle gagne les muscles de la cage thoracique, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de respirer et vous devez être passé en soins intensifs pour une ventilation artificielle. Donc une pathologie qui peut être potentiellement très grave, associée avec un taux de mortalité d'à peu près 5% sur l'ensemble des patients. Et donc, il voit apparaître plusieurs patients, deux, puis trois, et puis vous les voyez tous ici en noir, une série finalement de 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré, dont une proportion importante va être hospitalisée en réanimation. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a un lien entre ces syndromes de Guillain-Barré et puis l'épidémie de Zika qui était en cours. Je reviendrai un petit peu là-dessus et comment est-ce qu'on a établi ce lien. Juste pour signaler que, de la même façon qu'en Micronésie, à la fin de l'épidémie, une étude transversale avec une sérologie avait permis de voir que 3/4 de la population avait été atteinte par le virus Zika, en fin d'épidémie en Polynésie française, nos collègues de l'Institut Louis Mallardet et le Bureau de veille sanitaire ont fait une même enquête et ont vu que, selon les enquêtes, entre 50% et 66% des individus avaient été infectés par le virus Zika pendant l'épidémie de Polynésie française. Ceci a permis d'estimer l'incidence des syndromes de Guillain-Barré à 2,4 pour 10 000 infections par le virus Zika. Donc on a une complication grave, mais qui survient chez 2 pour 10 000 des personnes infectées, c'est-à-dire quand même, heureusement, une complication qui reste très rare. Maintenant, la question était de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre Zika et les syndromes de Guillain-Barré? Alors, par analogie, on pouvait tout à fait l'évoquer, puisqu'on sait que la dengue, par exemple, qui est donc une autre arbovirose assez proche du Zika, produit également des syndromes de Guillain-Barré, qui sont rares également, mais c'est possible. Les syndromes de Guillain-Barré surviennent très souvent après des infections. Ça peut être des infections gastro-intestinales, Campylobacter jejuni est le modèle, mais ça peut être aussi la grippe ou ça peut être des arboviroses comme la dengue. Et le Zika donc était une hypothèse tout à fait plausible. Encore fallait-il mettre en évidence le lien, non pas au niveau populationnel, comme vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle une corrélation écologique ici. Vous avez une corrélation dans l'espace et dans le temps entre l'épidémie de Zika et l'épidémie de syndrome de Guillain-Barré. Vous devez avoir le lien au niveau individuel entre une infection par le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré qui suit. Alors d'abord, une simple enquête auprès des patients, des 42 patients qui étaient atteints de syndrome de Guillain-Barré, a permis de mettre en évidence, chez 88% d'entre eux, une semaine avant le début des troubles neurologiques, l'existence d'un épisode viral qui évoquait tout à fait une infection par le virus Zika, avec notamment une éruption cutanée. Donc là, on se disait quand même quasiment tous les patients qui ont fait un Guillain-Barré une semaine avant avaient eu quelque chose de très évocateur d'une infection par le virus Zika. L'évolution, elle a été assez typique des syndromes de Guillain-Barré. 40% des patients ont évolué vers l'aggravation des troubles respiratoires et la nécessité d'une hospitalisation en réanimation d'une ventilation artificielle. Ils sont restés à peu près un mois en soins en ventilation artificielle, à peu près 50 jours dans les soins intensifs. Et heureusement, il n'y a pas eu de décès. Pour 60% des patients, l'évolution, en revanche, elle a été plutôt simple et sans complications. Ils ont été hospitalisés à peu près une semaine et ils ont pu rentrer chez eux. Ce qui faisait que plus de la moitié des patients, après 3 mois, étaient capables de marcher. Ce que nous ont dit nos collègues neurologues qui avaient l'habitude des syndromes de Guillain-Barré, c'est que les syndromes de Guillain-Barré observés avec le virus Zika étaient d'évolution très rapide, vers l'aggravation d'abord, puis une phase de plateau assez courte et la résolution des symptômes, la guérison qui survenait très vite aussi. Donc, être très vigilant, parce que certains patients, à peine étaient-ils arrivés à l'hôpital, qu'ils ont dû être emmenés en réanimation, alors que d'habitude, on a quelques jours, on peut les observer en service de neurologie avant de décider du passage en réa. En revanche, quand les choses vont mieux, elles vont mieux rapidement et finalement, dans cette série, heureusement, aucun patient n'est décédé. Alors après, toujours pour mettre en évidence le lien qui existait entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, eh bien, on a eu recours à une enquête épidémiologique type 4 témoins dont j'ai pu vous parler pour ceux d'entre vous qui ont suivi la leçon inaugurale. Alors vous avez ici nos 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré. Et il s'agissait de mettre en évidence chez eux le virus ou la réaction immunologique liée à la présence du virus, qui était la détection d'anticorps. On avait recherché le virus dans le sang, Malheureusement, le virus n'est présent que quelques jours, au moment où vous avez les symptômes cliniques, où vous avez l'éruption cutanée, la fièvre, mais dans le sang, vous ne le retrouverez plus après quelques jours. Or, les symptômes neurologiques, comme je vous l'ai dit, surviennent avec un certain délai, une semaine, un peu plus pour certains. Et au moment où on a recherché chez les patients qui arrivaient avec un syndrome de Guillain-Barré le virus dans le sang, on ne l'a pas trouvé. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que si on avait recherché le virus dans les urines, on l'aurait probablement trouvé. Parce qu'il y a une excrétion également du virus dans les urines qui est plus prolongée que celle qui a lieu dans le sang. Simplement, on n'avait pas cette information à l'époque, on n'a pas pensé à regarder, et du coup, on est passé à côté. Il ne nous restait plus finalement que les anticorps. Donc là, il y a eu toute une batterie d'examens, et je passerai assez vite dessus. L'examen le plus intéressant, le plus spécifique, c'est la séroneutralisation. Et on a retrouvé chez 100% des patients qui avaient eu un Guillain-Barré la présence d'anticorps anti-Zika par séroneutralisation, donc quelque chose de très spécifique, donc un argument très solide. Maintenant, on se souvenait de l'histoire de Yap, où les trois quarts de la population avaient été infectés. Et donc, pendant tout ce processus, on s'est dit, attention, si on retrouve les anticorps chez 90% par exemple des personnes avec Guillain-Barré, est-ce que c'est plus qu'en population générale? Si à Yap, les trois quarts de la population avaient été infectés, est-ce que, en Polynésie française, il ne pourrait pas y avoir 80-85% des gens infectés? Du coup, nos 90%, ils ne veulent pas dire grand-chose. Donc, il nous faut une série de témoins pour nous dire, en population générale, quelle était la progression de l'épidémie et confirmer qu'il y avait une proportion plus importante de porteurs d'anticorps chez les patients qui avaient des Guillain-Barré par rapport à la population générale. Donc, on a pris cette première série de témoins, qu'on appelle la série témoin 1, où là, on a sélectionné des patients qui consultaient le même jour que ceux qui étaient arrivés avec un Guillain-Barré pour une infection non fébrile, qui avait le même âge, le même sexe, et qui venaient de la même localité. Alors, au sens large, parce que la Polynésie française, c'est, je ne sais plus, des milliers d'îles. Donc, on avait fait des regroupements d'îles, et on a considéré que, voilà, si l'épidémie progressait, eh bien, ces îles seraient touchées à peu près en même temps pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc là, j'ai deux internes de santé publique de mon unité qui sont partis travailler en Polynésie française et qui ont passé plusieurs mois à visiter toutes les îles de Polynésie française pour aller chercher les sujets témoins. Je peux vous dire qu'il y a pire comme travail. Mais à la fin, ils en avaient aussi un petit peu voilà, par-dessus la tête de prendre le bateau, l'avion, le machin pour aller dans un archipel supplémentaire, recruter leurs témoins. Il n'empêche, dans cette série qui était représentative de la progression de l'épidémie en population générale, on a retrouvé des anticorps chez 56% des individus, ce qui était différent des 100%. On avait donc la preuve que non seulement tous les sujets qui avaient eu un syndrome de Guillain-Barré avaient des anticorps anti-Zika, mais que cette proportion était supérieure à celle qu'on retrouvait en population générale. Et c'était la première fois qu'on créait le lien entre ce virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré. Ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, mais si vous saviez les polémiques qu'il y a pu y avoir, et j'étais présent à plusieurs réunions de l'OMS où on discutait de ce lien possible, etc. Et ces chiffres ont pesé lourd dans la balance parce qu'on était les premiers à dire, attention, on retrouve systématiquement les anticorps et c'est plus que ce que vous retrouverez en population générale avec un groupe témoin bien choisi. La deuxième question qui s'était posée était, est-ce que les syndromes de Guillain-Barré, donc ces complications, ne survenaient pas chez des patients qui auraient été auparavant infectés par le virus de la dengue? Alors pourquoi on se pose cette question? C'est que le virus de la dengue a quatre sérotypes différents. Et on sait, pour le virus de la dengue, que ce n'est pas la première infection qui est dangereuse, mais la deuxième, par un phénomène qu'on appelle un phénomène d'anticorps facilitant, qui sont des réactions immunologiques particulières lors d'une deuxième infection par un autre sérotype de la dengue, où là, vous pouvez avoir les formes, notamment les formes hémorragiques de la dengue. Et donc, par analogie, on se disait, attention, le virus Zika ressemble beaucoup au virus de la dengue, est-ce que, chez des gens qui avaient déjà eu une dengue, une infection par le virus Zika ne pourrait pas produire cette production d'anticorps facilitants et s'accompagner de complications neurologiques, etc. Donc, le défi ici était de montrer, est-ce qu'il y a eu plus de dengue antérieure chez les gens qui avaient des syndromes de Guillain-Barré quand ils font une infection par le virus Zika, comparé à des gens qui font une infection par le virus Zika sans complications neurologiques? Là, on reprend une série de témoins. Donc, c'est la série que vous avez ici, où on avait des sujets qui avaient une infection aiguë par le virus Zika, pas de complications neurologiques, et on a comparé la proportion de portage d'anticorps anti-dengue chez ceux qui ont fait des syndromes de Guillain-Barré après un Zika et chez ceux qui n'ont pas eu de complications neurologiques après une infection par le virus Zika. Et on n'a pas trouvé de différence entre les deux groupes. Donc dans cette étude, on n'avait pas d'argument pour dire qu'une dengue antérieure pouvait précipiter un syndrome de Guillain-Barré si vous faisiez une infection par le virus Zika. Bon, tout ça, c'était le syndrome de Guillain-Barré, important parce que complications graves, mais je l'ai déjà dit, relativement rares. Le Collège de France et France Culture vous présente le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, Zika, le pacte du moustique et du virus. La gravité même de l'infection par le virus Zika, elle nous est venue par ces nouvelles arrivées du Brésil, où l'épidémie faisait rage en 2015, et où vers la fin de l'année, en novembre 2015, le ministère de la Santé au Brésil reçoit de la région nord-est du Brésil des alertes des pédiatres et des obstétriciens disant « on observe un taux anormalement élevé d'enfants qui naissent avec ce qu'on appelle ces microcéphalies, donc ces têtes de petite taille comme celles que vous voyez ici, qui sont liées à un retard de développement du cerveau ». Et ceci dans les suites de l'épidémie de Zika qui était très active en mars-avril dans ces régions du Brésil. Le 1er février 2016, l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale et demande à la communauté scientifique du monde entier de réunir tous ses efforts pour établir le lien entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, on a déjà vu, et ses microcéphalies chez les enfants. Alors nous étions toujours en train de travailler sur nos Guillain-Barré en Polynésie française, au moment où arrive cette alerte. Et je me retourne vers mes collègues de Polynésie française et leur demande, est-ce que dans vos collègues obstétriciens, est-ce que chez les pédiatres, est-ce que vous avez entendu parler d'un nombre anormalement élevé de complications neurologiques chez les enfants qui étaient nés au décours de l'épidémie de Zika? Et là, pas de signal franc. On retrouve quelques anecdotes, mais à aucun moment, au décours du passage, en 2013-2014, il y a eu une alerte franche lancée disant qu'il y a des complications neurologiques à un taux anormalement élevé en Polynésie française suite au passage de l'épidémie de Zika. Donc on est retourné dans les dossiers. Alors les dossiers qui ont été les plus précieux, c'est ceux qui étaient utilisés en cas de discussion d'une interruption thérapeutique de grossesse. Vous savez que c'est une décision extrêmement difficile à prendre, qui est donc collégiale. Ce n'est pas un seul médecin qui va dire à une femme, au vu de votre échographie, je recommande une interruption de grossesse ou non, bien sûr, ça se fait en dialogue avec la femme, mais déjà, pour faire cette proposition, il faut avoir une conviction forte. Et donc, pour qu'un médecin arrive à faire cette proposition, il s'entoure de l'avis de collègues, localement, évidemment, mais également en France, les dossiers étaient analysés à l'hôpital Necker pour la partie neurologie pédiatrique et à l'hôpital Trousseau pour l'imagerie fœtale, où il y a des spécialistes. Et donc, on a pu réunir a posteriori nos collègues de Polynésie française, les collègues de Trousseau et les collègues de Necker, et réexaminer les dossiers qu'ils avaient vus au décours de l'épidémie de Zika pour voir s'il n'y avait pas eu un nombre anormal de microcéphalies pendant cette période. Donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est les résultats de ces investigations. Sur une période d'à peu près 2 ans qui encadre le pic épidémique lié à l'infection par le virus Zika que vous voyez ici, vous avez tous les cas de microcéphalie qui sont illustrés par ici la durée de la grossesse et ici la fin de la grossesse, qui peut être un accouchement ou une interruption de grossesse, selon les cas. On a eu un cas de microcéphalie qui était complètement hors épidémie. Le début de la grossesse avait démarré après la fin de l'épidémie. Celui-là, il nous donne le taux de base de microcéphalie que vous trouvez dans toutes les populations. Il était estimé ici à 2 pour 10 000 naissances vivantes. C'est exactement le même taux qu'il y a en France ou qu'il y a aux États-Unis. En revanche, vous observez que pendant la période épidémique, eh bien, vous avez ici un regroupement de 7 cas de microcéphalie où une partie de la grossesse était concernée par le passage de l'épidémie et où donc une infection avait pu avoir lieu. Là, avec l'aide de Simon Cochemez, qui fait la modélisation mathématique à l'Institut Pasteur, il a été possible de simuler en fait, des cohortes de 80 femmes qui tombent enceintes chaque semaine, qui est le taux habituel de grossesse observé en Polynésie française, et d'exposer ces femmes un risque d'infection par le virus Zika qui est proportionnel à la courbe épidémique que vous voyez ici. Et le modèle qui collait le mieux à ces données observées était un modèle où le risque d'infection, le risque de microcéphalie, était maximal quand l'infection avait lieu au premier trimestre de la grossesse Et dans ce cas-là, le risque d'avoir un enfant avec une microcéphalie sévère était de 1%. Donc voilà les résultats qu'on a pu publier à ce sujet. Ce risque de 1% est 50 fois supérieur au taux de base, donc était très significatif. Et pour la première fois, démontrer qu'il y avait effectivement un lien, là, par un modèle mathématique, hein, et puis ces données observées, entre le virus Zika et les microcéphalies. Il y avait eu, en parallèle, d'autres travaux qui étaient menés par les cliniciens, notamment, au Brésil, qui, sur des amniosynthèses, qui avaient été faites parce que, à l'échographie, on trouvait des enfants avec microcéphalie, avaient pu mettre en évidence, dans le liquide d'amniosynthèse, par PCR, la présence du génome viral. Donc, voilà pour cet aspect de modélisation sur les microcéphalies. Et en parallèle de tout ça, à la demande de l'OMS, hein, je vous l'avais dit, l'urgence de santé publique de portée internationale, il y a toute une série de travaux qui ont été menés aux quatre coins du monde par des chercheurs dans des disciplines très variées pour faire le lien, cette fois-ci à la paillasse, hein, en laboratoire, entre le virus Zika et les microcéphalies. Donc les études, j'en ai cité trois ici, mais il y en a des centaines, hein, les études les plus marquantes, et une des premières en tout cas, était celle-ci, où ils ont infecté différents types de cellules. Ici, des cellules progénitrices neurales. À droite, vous avez ici des neurones. Et ils montrent bien que les cellules les plus permissives par l'infection par le virus Zika sont les cellules progénitrices neurales. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des cellules qui sont présentes entre la 6e et la 10e semaine du développement embryonnaire et qui vont donner naissance au futur cerveau. Donc, on voit bien qu'elles sont très permissives à l'infection par le virus Zika et que donc, on pointe encore au premier trimestre de la grossesse comme étant une période particulièrement vulnérables sur ces cellules qui, après infection, vont entraîner un développement retardé du cerveau. Il y a d'autres types d'études qui ont été faites. Il y a ces organoïdes, hein, ce que vous voyez ici, c'est des mini-cerveaux, en quelque sorte, qui sont faits in vitro avec des cellules souches pluripotentes. Et quand on infecte ces organoïdes avec le virus Zika, le développement est moindre que quand on a ici le groupe contrôle. Et puis, il y a des modèles animaux, des modèles souris, des modèles singes. Sur les modèles souris, eh bien, là aussi, après une inoculation avec le virus Zika, on voit que l'épaisseur du cortex cérébral est plus faible que les témoins. Et je ne sais plus de mémoire s'il y a eu aussi du travail sur des souriceaux nés de mères souris infectées pendant la grossesse. Mais bref, tout ceci concordait. D'ailleurs, le modèle souris n'est pas un très bon modèle. Le bon modèle, c'est le modèle macaque, au singe, d'une façon plus générale. Et ici, vous avez un travail qui avait été fait où vous avez une inoculation sous-cutanée d'un virus Zika, qui était une souche qui venait du Cambodge de 2010, où vous regardez ici, vous avez l'inoculation à ce qui équivaudrait pour une femme à la 28e semaine de grossesse, puis une césarienne à la 38e semaine, et le développement du cerveau qui, ici, hein, c'est ce que vous avez, biparietal diameter, donc ça, c'est le développement de la boîte crânienne qui était chez ce fœtus, était pour l'instant plutôt de grande taille, s'arrête complètement pour arriver plutôt dans les petites tailles après l'infection par le virus Zika. En revanche, le fémur, vous voyez ici, qui était de grande taille, reste de grande taille tout au long de la grossesse. Donc, c'est des façons de regarder sur un modèle animal l'impact du virus, d'infection du virus Zika pendant une grossesse. Et ces modèles animaux, après, peuvent être utilisés si vous avez des essais de traitement à faire, par exemple, ou éventuellement, pour l'infection par le virus, des essais vaccinaux. Alors, l'épidémie, elle continuait, et elle arrive aux Antilles françaises et en Guyane. Nous avons travaillé donc avec une équipe de l'INSERM, avec Bruno Heune, et des collègues de Guadeloupe, Martinique et de Guyane française, qui étudiaient dans ces régions qui étaient atteintes en 2016 par l'épidémie de Zika, l'impact qu'il peut y avoir sur les grossesses. Donc là, Bruno Heune a recruté une cohorte de femmes qui étaient infectées par le virus Zika. Elles étaient 546 femmes qui ont été recrutées, qui ont eu 555 enfants, parce qu'il y a eu des grossesses gémellaires. Et ces femmes étaient recrutées quand elles se présentaient avec, pendant la grossesse, des symptômes type fièvre, éruption cutanée. Donc là, on faisait un diagnostic dans le sang et dans les urines de la présence du virus Zika, ce qui nous permettait de confirmer l'infection pendant la grossesse. Et puis, on pouvait aussi savoir si on était au premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre de la grossesse. Donc on avait une confirmation fiable par détection du génome viral de l'infection et également la date de l'infection. Et donc là, sur cette première série, avec 555 fœtus et enfants, on observe pour les infections du premier trimestre 13% de complications, 4% au deuxième trimestre, 5% au troisième trimestre. Au tout début, on ne savait pas ce qu'allait donner le virus Zika en termes de complications neurologiques. Il y avait bien sûr les microcéphalies, mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Donc on avait ouvert le filet très large. Et toute anomalie neurologique constatée chez les enfants ou sur les fœtus à l'échographie était répertoriée. Il y avait donc ce qu'on appelle des formes sévères et des formes limitées. Les formes sévères, ça allait être par exemple des microcéphalies très importantes, hein, moins 3 des écarties par rapport à la taille attendue. Et puis ce que vous avez ici sur des scanners, des calcifications corticales, sous-corticales importantes, des ventriculomégalies, tout ce qu'on regroupe sous le nom de syndrome congénital lié au virus Zika. Et puis, il y avait d'autres choses qui étaient des anomalies neurologiques, mais beaucoup plus mineures. Ça peut être des microcéphalies, mais très modérées, qu'on avait répertoriées parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais comme vous l'avez compris, en épidémiologie, on a ces fameux groupes témoins qui sont toujours ici pour comparaison. Et là, il nous fallait un groupe de femmes non exposées pour pouvoir dire, d'accord, on voit ce qui se passe chez des femmes qui ont été infectées par le virus Zika, voilà les atteintes chez les fœtus et les enfants. Mais chez des femmes non infectées par le virus Zika, aux Antilles françaises à la même période, qu'est-ce qu'on retrouvait? Donc on a attendu d'avoir un test fiable, une sérologie, qui, à la fin de la grossesse, à l'accouchement, quand elle était négative, nous garantissait que la femme n'avait pas été infectée par le virus Zika, pour étudier les mêmes anomalies chez un groupe de 490 femmes dont on savait qu'elles n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Et on a comparé le résultat chez ces 546 femmes infectées par le virus Zika à 490 femmes non infectées. Par soustraction, il nous est resté finalement que les formes sévères. C'est-à-dire que chez les femmes non infectées par le virus Zika, on retrouvait quelques anomalies neurologiques minimes, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelait les formes limitées. Et comme on les retrouvait donc chez des femmes non infectées, elles n'étaient pas attribuables au virus Zika. Ne nous restait attribuable au virus Zika ce que vous avez ici, ce qu'on appelle des formes sévères, qui étaient ces fameux syndromes congénitaux liés au virus Zika, essentiellement pour des infections du premier trimestre. 4% des femmes infectées au premier trimestre avaient des enfants avec ces syndromes congénitaux sévères. Un petit peu au deuxième trimestre, 1%, et rien pour des infections du troisième trimestre. Donc l'ensemble de ce travail, c'était pour vous montrer comment, quand une problématique de santé publique émerge avec une demande aussi pressante que celle de l'OMS de faire le lien entre le virus Zika et des complications chez les enfants nés des mères infectées, ce n'est pas une seule discipline qui va répondre. Il y a d'un côté tous les gens qui travaillent à la paillasse, la biologie, qui va mettre en évidence sur différents types de modèles, in vitro, des organoïdes, des modèles animaux, ces atteintes compatibles avec ce qu'on observe chez les femmes et qui permettront de dire, voilà, on a un mécanisme biologique cohérent, plausible, en comparaison avec ce qui est observé en population. Et puis nous, les épidémiologistes, on fait de la modélisation, on fait des études de cohorte et on retrouve ces mêmes anomalies en population. Et c'est ce parallèle qui, finalement, amène à une forme de certitude. Et aujourd'hui, il est admis, effectivement, que le lien est parfaitement établi entre le virus Zika et ses complications. Mais c'est vraiment cette approche, vous voyez, multidisciplinaire qui est très importante pour remporter la conviction. Et l'épidémiologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle quantifie en plus. On peut dire aujourd'hui, raisonnablement, que pour des femmes affectées au premier trimestre, vous avez 5%. Alors, il y a des marges d'erreur autour de ça. Et puis, il faut comparer avec les autres études qui ont été faites sur le sujet. Mais voilà où on en était dans la quantification par rapport à nos études. Alors, juste un mot pour vous dire qu'au-delà des microcéphalies, d'autres anomalies ont été rapportées liées au virus Zika. Il y a donc cette disproportion entre ces crânes un peu aplatis, qu'on appelle disproportion crânio-faciale, la spasticité des membres, qui s'appelle arthrogrypose, des enfants qui font beaucoup de crises d'épilepsie, qui sont très irritables, c'est des enfants qui pleurent tout le temps, c'est terrible à voir. Il y a des troubles de la déglutition, des anomalies oculaires, et puis ce que vous avez vu à l'imagerie. Pour clore ce chapitre, vous dire que voilà les résultats de 3 grandes études qui ont été menées sur le sujet. Au Brésil, une obstétricienne qui s'appelle Brazil qui a publié. Honein pour le registre américain et l'étude dont je vous ai parlé aux Antilles françaises et en Guyane avec Bruno Heun, avec des chiffres assez proches pour l'étude américaine des études des Antilles françaises, et puis des chiffres beaucoup plus importants au Brésil, et on s'explique mal. Donc, il y a au Brésil, on retrouve un certain nombre, ils ont 46% des enfants nés de mères infectées dans des circonstances de recrutement très proches des nôtres, où on avait seulement 7% au total qui ont des anomalies. Cela inclut entre autres des images cérébrales sur les résonances magnétiques nucléaires qu'ils ont faites, etc., qui sont interprétées comme présentant des anomalies. On n'est pas sûr qu'en fait ce soit réellement des anomalies. Ça peut être des problèmes de maturation du cerveau, de la substance blanche. Et donc on attend encore avant de pouvoir vraiment trancher. deux possibilités ici. Soit il s'est passé quelque chose de très particulier au nord-est du Brésil avec un taux de complications beaucoup plus élevé, un cofacteur qui agirait en même temps, mais il n'a pas été identifié. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et encore la semaine dernière publiés qui ne permettaient pas de mettre en évidence. Soit il y a vraiment des différences d'interprétation de la symptomatologie clinique, de l'imagerie qui permettent d'expliquer ces discordances. Mais je pense que plus on avance, plus le consensus va pour dire que globalement, c'est plutôt entre 5 et 10% des enfants nés de mères infectées qui auraient des complications, et pour les complications sévères, heureusement, encore moins. Donc voilà, c'est des données plutôt rassurantes, même si à chaque fois, c'est un véritable drame quand vous avez des enfants qui ont ce type de complications. Au Brésil, l'impact a été considérable. Vous aviez, pendant toute une période, dans les médias, tout était vraiment focalisé sur les risques du Zika et de la grossesse. Je me souviens d'un témoignage assez bouleversant de jeunes femmes qui disait comment c'est vrai qu'annoncer une grossesse à ses parents, c'est probablement le plus beau jour de sa vie, et que là, elles arrivaient pour dire « je suis enceinte en plein milieu des bébés de Zika » et qu'elles étaient à la fois extrêmement anxieuses, voire honteuses, hein, parce qu'elles étaient tombées enceintes en plein milieu d'une épidémie avec les risques que ça pouvait comporter. Bon, voilà, de façon plus légère, il y a eu toutes les polémiques autour, est-ce qu'il faut avoir les Jeux Olympiques ou pas, etc., au Brésil au même moment. Ils ont eu lieu, il ne s'est rien passé là-dessus. Mais bref, voilà, juste vous dire aussi l'impact social important de ces épidémies. On va passer maintenant sur deux discussions, sur les modes de transmission. D'abord, on l'a dit, c'est Aedes aegypti, ce moustique qui est principalement atteint. Aedes albopictus peut-être, mais on ne l'a pas pris la main dans le sac. Il y a d'autres modes de transmission et on verra ensemble la transmission sexuelle. Le sang, oui, c'est possible. Si vous avez du virus dans le sang, il est présent pendant quelques jours au moment de l'infection aiguë et que vous prélevez à ce moment-là sur une infection asymptomatique, vous pourriez transmettre le Zika. Les autres fuites corporelles, c'est absolument exceptionnel. Alors, nos collègues à l'Institut Pasteur ont beaucoup travaillé, les entomologistes, avec Annabella Fayou notamment, sur récupérer des virus Zika du monde entier et des moustiques Aedes du monde entier et voir si on arrivait à les infecter. Alors, vous avez des modèles en laboratoire, vous infectez vos moustiques avec le virus et vous pouvez tout d'abord voir quelle est la proportion de moustiques après avoir aspiré le virus qui en ont dans leur corps quand vous broyez et vous étudiez ça, par des systèmes de détection de génome viral notamment. Après, vous pouvez retrouver, après quelques jours, quelle est la proportion de moustiques qui ont un virus dans la tête. On se rapproche des glandes salivaires. Hein. Et puis enfin, la proportion de moustiques qui ont du virus dans la salive. Hein. Et ça, c'est important parce qu'après un cycle de 8-10 jours à peu près, le virus qui a été ingéré par le moustique, eh bien, il aura fait son cycle au sein du moustique et il sera revenu, ce virus, dans les glandes salivaires et il sera prêt à être injecté. Et là, on se rend compte qu'avec des Aedes aegypti de Madère au Portugal, on arrive à infecter assez bien les moustiques, mais le cycle complet où on retrouve le virus après dans la tête et enfin dans les glandes salivaires, en fait, il est très rarement accompli. Donc c'est rassurant, ça veut dire que les Aedes aegypti de Madère seraient des mauvais transmetteurs de Zika. La même chose avait été faite avec les Aedes albopictus, hein, les moustiques tigres du sud de la France. Et là aussi, on arrive à en infecter un certain nombre, mais la proportion de moustiques qui auraient du virus dans les têtes et à la fin dans les glandes salivaires, très très faible. Donc ça, c'est aussi rassurant pour dire que Aedes albopictus est un mauvais vecteur pour ce virus Zika. Mais vous voyez qu'il faut répéter ce type d'expérimentation avec les différents moustiques qui sont, parce qu'il y a des subtilités, même entre les Aedes aegypti, ils ne sont pas tous pareils autour du monde, et puis aussi ici Aedes albopictus. Alors, vous comprendrez que la maîtrise de l'épidémie par le virus Zika, elle passera par le contrôle vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est les recommandations d'usage, c'est d'utilisation des répulsifs pour repousser les moustiques. Je vous ai dit qu'ils piquaient deux jours, donc la moustiquaire ne va pas vous servir à grand-chose contre un Aedes. En revanche, le matin et le soir, l'application de répulsifs est utile. Le port de vêtements longs est également utile. Ce n'est pas exactement ce que suggère cette photo, mais là, au moins, il y a des répulsifs. Et puis, il y aura tout le travail où vous allez après disséminer. Donc, vous allez faire de la pulvérisation d'insecticides. Alors là, on ne sait pas toujours très bien où pulvériser. Et puis, destruction des gîtes larvaires. Et une fois de plus, les pneus qui sont connus pour être des gîtes larvaires importants sont des zones privilégiées. La difficulté qu'on a avec tout ça, c'est qu'on n'y arrive pas, finalement. Et quand l'épidémie de Zika a explosé au Brésil en 2015, ils étaient en pleine campagne de démoustication contre Aedes aegypti pour la dengue. Et malgré ça, il y a une épidémie majeure de Zika. Donc on se rend compte que ces méthodes qui sont proposées ici ont une efficacité qui est limitée. Et Et elles n'ont pas empêché la diffusion du virus Zika, alors qu'il y a certains endroits où on était prêt à le recevoir, entre guillemets, et où les mesures avaient été prises. Donc c'est ici qu'interviennent des approches assez novatrices de contrôle vectoriel, qui sont toutes en cours d'expérimentation, que je vais vous décrire brièvement, et qui sont assez complexes. Alors pour les plus intéressés d'entre vous, je vous conseille d'aller lire cette revue récente dans Nature Review Microbiology, qui est très complète et qui vous donnera une image assez exhaustive de tout ce qui est en cours. Il y a trois méthodes, en gros, que je vais vous décrire ici, qui aujourd'hui suscitent le plus d'intérêt. Alors, il y a d'abord l'infection par des bactéries, des moustiques. C'est une bactérie qu'on appelle Wolbachia, qui infecte naturellement à peu près la moitié des insectes. Donc, vous avez un système qui associe ces deux caractéristiques, hein, l'incompatibilité cytoplasmique d'un côté et puis la résistance au virus, et qui fait que quand vous introduisez des mâles et des femelles infectées par Wolbachia dans la nature, eh bien assez vite, ils vont prendre le dessus et devenir les moustiques prévalents, tous infectés par Wolbachia, et pour les femelles résistantes à l'infection par le virus. Donc c'est ça tout l'intérêt de cette technique. Je vous rappelle que Wolbachia est une bactérie qui infecte déjà à peu près la moitié des insectes, donc qui est déjà très présente dans la nature. Deuxième approche, c'est des moustiques génétiquement modifiés. Et ça, c'est une approche proposée par une équipe d'Oxford où ils ont introduit finalement un gène qui rend les moustiques dépendants de tétracycline pour leur croissance. Donc, en absence de tétracycline, cet antibiotique que vous connaissez tous, eh bien, les moustiques ne peuvent pas se développer. Du coup, vous les élevez dans des espèces de grandes fermes à moustiques. Il faut vous regarder les vidéos, c'est très impressionnant, en présence de tétracycline. Et puis après, vous larguez les mâles porteurs de cette anomalie génétique dans la nature et ils vont la transmettre à leur descendance. Et comme ils seront en absence de tétracycline dans la nature, eh bien, les larves de la descendance de ces mâles qui ont été génétiquement modifiés ne vont pas survivre et vous avez une extinction. Simplement, vous devez en permanence renflouer votre population de nouveaux mâles génétiquement modifiés parce que votre population arrive immédiatement à l'extinction. La troisième technique, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique ou gene drive, qui est une technique qui associe à la fois une modification génétique, ici une altération d'un gène de compétence vectorielle, et puis une technique dont vous avez peut-être entendu parler, les ciseaux moléculaires, Cas9, des endonucléases qui, guidées par un ARN, permettent de faire une cassure sur le chromosome homologue. Et par recombinaison homologue, eh bien vous allez sur le deuxième chromosome reproduire exactement ce que vous avez sur le premier chromosome avec la même altération de la compétence vectorielle. Et du coup, vous vous retrouvez avec un système où ce n'est plus les lois mendéliennes qui régissent la transmission des gènes, mais par forçage génétique, toute la descendance va être atteinte puisque vous avez des formations d'homozygotes pour le même gène d'altération de compétence vectorielle. Donc un système qui va se propager extrêmement rapidement en population, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique, gene drive, mais qui fait un petit peu peur parce que vous n'avez aucun moyen de l'arrêter. Si le gène que vous avez modifié avait d'autres propriétés que celles que vous aviez au départ, qui ici était une altération de la compétence vectorielle, et que ces autres propriétés avaient un impact sur la nature plus générale, ben une fois que vous avez lancé l'expérimentation, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc aujourd'hui, ces techniques sont à la fois vues comme extrêmement prometteuses, parce que très peu d'individus modifiés dans la nature permettraient de remplacer toute la population avec une modification génétique qui vous intéresse, mais une fois que c'est lancé, plus moyen d'arrêter, et donc il y a pour l'instant une forme de moratoire sur les essais en nature, hein, de ce type sur le terrain de ce type d'approche, parce qu'on se dit, comment va-t-on faire ? Avec l'approche, vous voyez, de modification proposée par l'équipe d'Oxford, la mutation elle est létale, donc elle ne va pas se transmettre au-delà. Hein. Si vous n'avez pas de tétracycline dans la nature, votre moustique il ne va pas survivre, donc le système est contrôlé. Là, il ne l'est plus, mais potentiellement extrêmement puissant. Alors, un petit mot, on a quand même 5 minutes, là, tranquille, sur la transmission sexuelle, pour une histoire un peu plus anecdotique, mais pour la première fois, pour un arbovirus, un virus transmis par des moustiques, on se retrouve dans une situation où on se rend compte qu'il est également transmis par voie sexuelle, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors, d'où le premier signal est-il venu ? Eh bien, de deux jeunes étudiants américains, Kobylinski, que vous avez ici, et Foy, Brian Foy, qui étaient au Sénégal en 2008 et qui travaillaient sur le paludisme à l'époque. Ils reviennent aux États-Unis et tous les deux, à leur retour, vont faire une infection virale qui n'arrive pas à déterminer. Ils ont un peu de fièvre, éruption cutanée, des choses comme ça. Rien de très, très clair. Il se teste pour la dengue, il ne trouve pas. On ne connaissait pas trop le virus Zika à l'époque, hein, en 2008, ce n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Mais ils gardent quand même des échantillons, ils ont ce réflexe, tiens, on va quand même mettre les échantillons au frigidaire. Et puis, quelques jours plus tard, la compagne de Brian Foy fait elle aussi une infection virale, avec elle aussi une éruption cutanée assez étonnante. Elle prend des photos d'ailleurs. Et il se dit, c'est marrant, tu as fait un peu la même chose que nous, et pourtant tu n'étais pas comme nous au Sénégal, et il n'y a pas dans notre environnement immédiat les mêmes vecteurs que les moustiques présents au Sénégal. C'est vrai qu'eux, travaillant sur les moustiques, quand ils ont eu cette éruption cutanée, cette fièvre, ils ont immédiatement pensé à une maladie qui aurait pu être transmise par ces moustiques. Voilà. Et puis Kobylinski retourne un an plus tard au Sénégal, et cette fois-ci il voyage avec un autre étudiant qui s'appelle Hado. Et si vous vous souvenez, Hado, c'est le nom du découvreur du Zika, hein, 1947, mais c'est le petit-fils. Et tous les deux, ils discutent comme ça, et il raconte son histoire à Hado en disant, tu sais, l'année dernière, quand je suis revenu du Sénégal, j'ai fait une éruption, machin, hein. Et Hado lui dit, mon grand-père, il était passionné par un virus qui s'appelle Zika, qui donne des symptômes un peu comme ce que tu me racontes, ça vaudrait le coup que vous fassiez tester pour Zika. Il retourne dans les échantillons qu'ils avaient gardés d'il y a un an, y compris de la femme de Brian Foy, et il retrouve des anticorps neutralisants, anti-Zika, des taux très élevés pour deux des trois d'entre eux, qui témoignaient vraiment d'une infection par le virus Zika, quasi certaine, à l'époque. Après, il y a eu toute une discussion entre Brian Foy et sa femme pour savoir comment est-ce que tu aurais pu attraper Zika à mon retour dans les jours qui ont suivi, etc. Et ils ont conclu à une transmission sexuelle. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire l'article qui a été publié dans Emerging Infectious Disease où tout vous est raconté par le menu. Mais voilà comment a été mise en évidence donc cette transmission sexuelle. Donc ça, c'était la première évidence. Depuis, il y a eu beaucoup de cas de transmission sexuelle qui ont été rapportés, parce que quand des gens voyageaient dans les pays endémiques, Amérique latine, aux Antilles, etc., quand ils sont retournés dans leur pays d'origine après le voyage, dans des pays où il n'y avait pas les vecteurs Aedes aegypti susceptibles de transmettre le virus Zika, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont transmis à leur partenaire sexuel l'infection par le virus Zika qui a été diagnostiquée. Et comme il n'y avait pas de vecteur moustique, on était ici en France, aux États-Unis ou ailleurs dans des zones où il n'y avait pas d'Aedes aegypti, on a assez vite compris que c'était des cas de transmission sexuelle. Donc, après, il y a eu des études qui ont été faites. On a recherché dans le sperme des hommes avec infection aiguë par le virus Zika la présence du virus. On l'a retrouvé par PCR jusqu'à 6 mois. Mais ça ne suffit pas de retrouver une trace par PCR, ça ne vous dit pas si le virus est infectieux. Pour voir s'il est infectieux, il faut le mettre en culture et voir s'il pousse. Et quand on poursuit avec une mise en culture, eh bien, c'est seulement jusqu'à un mois après l'infection qu'on a retrouvé du virus qui est potentiellement infectieux. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique, aujourd'hui Zika, le pacte du moustique et du virus. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours du professeur Fontanet. Je vous recommande également la vidéo complète de ce cours et ses éclairants documents. Réalisation, Vanessa Nadjar. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Demain, Arnaud Fontanet achèvera son étude des pandémies par le virus Ebola. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.